L'agneau. Jésus venait d'avoir 30 ans comme lui-même m'a dit, quand il monta au mont des Oliviers cueillir des olives avec sa mère. À la prière de la mi-journée, arrivé au mot « Avec miséricorde Seigneur », il fut entouré d'une infinie multitude d'anges de lumière intense qui chantaient « Dieu est béni ». L'ange Gabriel lui présenta un livre étincelant comme un miroir qui descendait au cœur de Jésus. Il eut aussitôt connaissance de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a dit, et de tout ce que Dieu veut, et toutes choses s'ouvrirent et se mirent devant lui à découvert. Sache, Barnabé, que tout ce que je sais et dis vient des livres de chaque prophète, me dit-il. Lorsque Jésus reçut cette vision, il comprit qu'il était envoyé pour prophétiser contre la maison d'Israël. Il informa sa mère Marie qu'il devait subir une grande persécution pour l'honneur de Dieu et dit ne plus pouvoir rester près d'elle à son service. Marie répondit : Tout m'a été annoncé avant ta venue au monde, fils. Béni est le Saint-Nom de Dieu. Il se sépara de sa mère dès ce jour pour se consacrer à son ministère prophétique. Et Jésus descendit du mont pour se rendre à Jérusalem. Il rencontra un lépreux qui fut inspiré par Dieu que Jésus était prophète, et il supplia dans les larmes : Toi Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que faire pour toi, frère ? Dit Jésus. Rends-moi la santé, Seigneur, dit le lépreux. Prie Dieu qui t'a créé de te donner la santé, car je ne suis qu'un homme comme toi. Prie Dieu de me donner la santé, dit le lépreux, car je sais que tu es un saint du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne la santé à ce malade par amour pour tes saints prophètes, dit Jésus avant de poser ses mains sur lui. Au nom de Dieu, frère, reçois ta santé. Ayant dit cela, la lèpre devint pure, la chair du lépreux devint comme celle d'un enfant. Le lépreux se regarda, et comprenant qu'il était guéri, il se mit à crier. Viens Israël accueillir le prophète que Dieu t'envoie ici. Frère, reste tranquille, ne parle pas, dit Jésus. Voici le prophète, voici le saint de Dieu. Mais plus il disait, plus l'autre criait. À ces mots, ceux qui venaient de sortir de Jérusalem revinrent dans Jérusalem pour entendre le lépreux et ce que Dieu avait fait par Jésus. Toute la ville de Jérusalem s'émut à ces mots et ils coururent dans le temple pour voir Jésus qui était entré prier. Le temple ne pouvait pas tous les contenir et les Kohanim s'empressèrent de lui dire : Cette foule désire t'entendre et te voir. Monte au pinacle, et si Dieu te donne une parole, parle au nom du Seigneur. Jésus monta où les scribes parlent d'habitude et demanda silence d'un signe de main. Il ouvrit la bouche et dit : Bénissez le Saint-Nom de Dieu qui par sa bonté et sa miséricorde créa ses créatures pour le glorifier. Bénissez le Saint-Nom de Dieu qui créa la splendeur, ou le Saint-Esprit, de tous les saints et prophètes avant toute chose pour l'envoyer au salut du monde, comme il dit par son servant David. Avant l'astre, je te créai splendeur des saints. Bénissez le Saint-Nom de Dieu qui créa les anges pour le servir. Bénissez le Saint-Nom de Dieu qui punit le reprouvé Satan et ses suiveurs pour ne pas avoir voulu honorer celui que Dieu veut qu'il soit honoré. Bénissez le Saint-Nom de Dieu qui créa Adam debout terrestre et le plaça sur ses travaux. Bénissez le Saint-Nom de Dieu, qui chassa Adam du paradis, pour s'être détourné de sa parole sacrée. Bénissez le Saint-Nom de Dieu, qui regarda avec compassion les larmes d'Adam et Ève, premiers parents de l'humanité. Bénissez le Saint-Nom de Dieu qui rend justice. Il condamna Caïn pour meurtre. Il envoya l'inondation sur la terre. Il incendia trois villes mauvaises. Il frappa l'Égypte par des fléaux et submergea Pharaon dans la mer Rouge. afin de châtier les impies, punir les sans remords, et disperser les ennemis de son peuple. Bénissez le saint nom de Dieu, qui libéra ses servants de tout mal et leur confiait cette terre, comme il promit à Abraham et son fils, qui toujours regarde avec compassion ses créatures et leur envoie ses saints prophètes, pour qu'ils marchent devant lui selon la vérité et le jugement. Bénissez le saint nom de Dieu, qui nous a donné sa sainte loi par son servant Moshe, pour que Satan ne nous trompe pas et pour nous élever au-dessus des autres peuples. Mais que faisons-nous aujourd'hui, frères, pour ne pas subir le châtiment de nos péchés? Il reprocha au peuple d'avoir oublié les paroles de Dieu pour s'appliquer qu'à la vanité. Il reprocha aux Kohanim d'avoir négligé le service de Dieu par leur avidité mondaine. Il reprocha aux scribes d'avoir délaissé la loi de Dieu et n'enseigné que de vaines croyances. Il reprocha aux docteurs d'avoir aboli la loi de Dieu par leur rituel. Les Kohanim et leurs chefs conçurent dès ce jour de la haine, car Jésus avait parlé contre eux, contre les scribes et contre les docteurs. Ils ne dirent pas un mot par crainte du peuple, qui le recevait comme un prophète de Dieu, mais ils méditèrent sa mort. Jésus parla au peuple avec grande vigueur, au point que tous se mirent à pleurer et implorèrent la miséricorde de Dieu, du plus petit au plus grand. Ils supplièrent Jésus de prier pour eux. Élevant ses mains vers le Seigneur Dieu, Jésus se mit à prier. Le peuple en larmes répondit : Qu'il en soit ainsi, Seigneur, qu'il en soit ainsi. La prière faite, Jésus sortit du temple, et ce jour-là, quand il quitta Jérusalem, plusieurs le suivirent tandis que les Kohanim disaient entre eux du mal de Jésus. Après quelques jours, ayant perçu en esprit le dessein des Kohanim, Jésus monta prier au mont des Oliviers, et après avoir passé la nuit en prière, Jésus dit au matin : Seigneur, j'ai su que les scribes me détestent et que les Kohanim méditent de me tuer, moi ton servant. Seigneur Dieu Tout-Puissant et compatissant, écoute avec miséricorde les prières de ton servant et sauve-moi de leurs pièges. Car tu es mon salut, Seigneur, et tu sais que ton servant ne cherche qu'à dire ta parole, qui est la vérité à jamais. Après avoir dit ces mots, voici que l'ange Gabriel vint vers Jésus. N'aie crainte, Jésus. Un millier de mille qui habitent au-dessus du ciel gardent tes vêtements. Tu ne mourras pas avant que toute chose s'accomplisse et que le monde approche de sa fin. Grand Seigneur Dieu, comme ta miséricorde est grande envers moi, dit Jésus tombant face contre terre. Que te donnerai-je, Seigneur, pour tout ce que tu m'as accordé? Relève-toi, Jésus, dit l'ange Gabriel, et souviens-toi d'Abraham prêt à sacrifier son seul fils engendré pour accomplir la parole de Dieu. Mais le couteau n'étant pas capable de trancher son fils, sur ma parole il offrit un mouton en sacrifice. Ainsi aussi tu feras, Jésus, servant de Dieu. Je veux. Mais où trouverai-je l'agneau? L'ange Gabriel montra à Jésus l'agneau à offrir en sacrifice. Louange et gloire à Dieu béni à jamais. Jésus descendit du mont et traversa seul dans la nuit le côté plus éloigné du Jourdain où il jeûna 40 jours et 40 nuits, faisant jour et nuit sans cesse des supplications au Seigneur pour le salut de son peuple vers qui Dieu l'envoyait. Après que 40 jours furent passés, Satan lui apparut quand Jésus eut faim et le tenta par plusieurs paroles, mais Jésus l'écarta par la puissance des paroles de Dieu. C'est ainsi que Satan s'éloigna et les anges vinrent pour servir Jésus ce dont il avait besoin. Étant revenu sur la région de Jérusalem, Jésus fut retrouvé du peuple dans une immense joie, car ses paroles avaient de la puissance et touchaient le cœur, non comme les scribes. Ils le prièrent de rester avec eux. Voyant combien grande était la multitude de ceux qui revenaient marcher dans la loi de Dieu avec cœur, Jésus monta sur la montagne et demeura en prière toute la nuit. Quand le jour vint, il descendit de la montagne et en choisit 12 qu'il appela apôtres. Leurs noms sont Andrée et son frère Céphas, des pêcheurs. Barnabé qui écrit cela, et Matthée, le publicain assis au poste de péage. Jean et Jacob, les fils de Zébédée. Thomas, et Thaddée. Barthélemy, et Philippe. Jacob, et Judas Cariot le traître. À eux, il révélait toujours les secrets de Dieu, mais il fit de Judas Cariot le répartiteur des aumônes reçues, même s'il volait un dixième de tout. Relic of the Apostle, Utah 2017. À l'approche de Sukkot, la fête des tabernacles, un certain homme riche invita Jésus à un mariage avec ses disciples et sa mère. Jésus vint, et alors qu'il fêtait, il fut à court de vin. Sa mère aborda Jésus en disant : « Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce là au mien, mère ?» Sa mère avertit les serviteurs d'obéir à tout ce que Jésus leur dirait. Jésus leur dit : « Remplissez ces cruches d'eau. » Il y avait là 6 cruches d'eau pour se laver avant de prier suivant les règles d'Israël. Les serviteurs firent ainsi et Jésus dit : « Au nom de Dieu, donnez à boire à ceux qui célèbrent. » Les serviteurs les portèrent au maître des cérémonies, qui le réprimanda, ne sachant rien de ce qu'avait fait Jésus. « Serviteur inutile, pourquoi avez-vous gardé le meilleur jusqu'à présent ?»« Seigneur, répondirent-ils, il y a ici un saint homme de Dieu qui a fait du vin avec de l'eau. » Le maître des cérémonies pensa que les serviteurs étaient ivres, mais ceux assis près de Jésus, qui avaient tout vu, se levèrent de table pour lui rendre hommage. « Tu es vraiment un saint de Dieu, un vrai prophète que Dieu nous envoie. Gloire à Dieu qui visite la maison de Judas avec amour et fait grâce à Israël. Béni est son saint nom, dirent beaucoup des disciples qui crurent, et revinrent à lui de tout leur cœur. » Un jour que Jésus appela tous ses disciples, il monta sur la montagne, et une fois assis, les disciples vinrent près de lui, alors il ouvrit la bouche pour les enseigner. Grandes sont les faveurs placées sur nous pour servir Dieu avec vérité à cœur. Vous deviendrez de nouveaux hommes si vous gardez le nouvel enseignement qui sortira de ma bouche comme le vin nouveau se garde dans des cruches neuves. Je vous dis en vérité qu'un homme ne peut voir des yeux le ciel et la terre en même temps, ainsi il est aussi impossible d'aimer Dieu et le monde. L'homme ne peut servir d'aucune manière deux maîtres hostiles l'un de l'autre, car si l'un vous aime, l'autre vous détestera. Je vous dis en vérité que vous ne pouvez servir Dieu et le monde couché sur la fausseté, la convoitise et la malveillance. Vous ne trouverez pas de répit dans le monde, mais que perte et persécution. Méprisez le monde pour servir Dieu, et vous trouverez en moi du repos pour vos âmes. Je vous dis la vérité, écoutez mes paroles. Bénis en vérité ceux qui font le deuil de cette vie terrestre, car ils seront consolés. Bénis en vérité les pauvres qui méprisent les délices du monde, car ils seront dans les délices du royaume de Dieu. Bénis en vérité ceux qui se nourrissent à la table de Dieu, car les anges les serviront. Voyagez comme les pèlerins. Est-ce qu'en chemin le pèlerin s'embarrasse de maisons, de champs, et autres choses terrestres? Sûrement pas. En chemin, ils portent des choses légères et appréciées pour leurs nécessités. Cela devrait être un exemple pour vous. Mais si vous désirez un autre exemple, je vais vous le donner pour que vous fassiez tout ce que je vous dis. N'alourdissez pas vos cœurs de désirs terrestres à dire. Qui nous vêtira, qui nous donnera à manger? Voyez les oiseaux, les arbres et les fleurs que notre Seigneur Dieu habille et nourrit d'une gloire plus grande que la gloire de Shlomo. Dieu qui vous a créé, lui-même qui vous appelle à son service, est capable de vous nourrir. Lui qui fit descendre la manne du ciel dans le désert, pendant 40 ans pour son peuple d'Israël. Qui ne permit pas à leurs vêtements de s'user ou vieillir alors qu'ils étaient 640 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je vous dis en vérité que le ciel et la terre manqueront, mais sa miséricorde ne manquera pas envers ceux qui le craignent. Même les riches du monde ont faim et périssent dans leur prospérité. Il y avait un riche, dont les revenus augmentaient, et qui se dit « Que ferai-je mon âme? Je démolirai mes greniers, qui sont trop petits et j'en construirai de plus grands. Alors tu triompheras mon âme. » Mais il mourut cette nuit-là. Quel misérable qui aurait pu se soucier des pauvres pour s'en faire des amis par des aumônes avec les richesses impies de ce monde, car ils apportent des trésors dans le royaume du ciel. Je vous prie de me dire, si vous donniez votre argent à la banque d'un publicain et qu'il vous en donne 10 à 20 fois, ne donneriez-vous pas tout ce que vous avez à un tel homme? En vérité je vous dis, tout ce que vous pardonnerez ou abandonnerez par amour pour Dieu, vous en recevrez 100 en retour avec la vie éternelle. Voyez combien vous devez être content de servir Dieu. Nous serons contents de servir Dieu et désirons connaître Dieu, dit Philippe. Le prophète Ésaïe a dit : En vérité tu es un Dieu caché. Et Dieu a dit à son servant Moshe : Je suis qui je suis. Dieu est une bonté sans laquelle il n'y a rien de bon, répondit Jésus à Philippe. Dieu est un être sans lequel il n'y a rien qui soit. Dieu est une vie sans laquelle il n'y a rien qui vit. Il est si bon qu'il aime seulement la bonté. Il est si juste que lorsqu'il pardonne ou punit, cela ne peut être démenti. Il est si grand qu'il remplit tout et est partout. Seul lui n'a pas d'égal, il n'a ni commencement et n'aura jamais de fin. Il a donné un commencement à tous, et il donnera une fin à tous. Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni compagne. Et parce que Dieu n'a aucun corps, il ne mange pas, ni ne dort pas, ne meurt pas, ne marche pas, ni ne bouge, mais existe éternellement, sans similitude humaine, incorporelle, non composée, immatérielle. En bref Philippe, je te dis que tu ne peux le voir ici sur terre, ni le connaître parfaitement. C'est seulement dans son royaume, où consiste toute notre joie et gloire, que tu le verras pour toujours. Que dis-tu maître? Il est écrit en Ésaïe que Dieu est notre Père. Comment n'aurait-il pas d'enfants? Dit Philippe. Il y a beaucoup de paraboles écrites dans les prophètes que tu ne dois pas prendre à la lettre mais d'après l'esprit. Car tous les 144 000 prophètes que Dieu a envoyés dans le monde ont parlé indistinctement. Après moi viendra le Saint-Esprit, la splendeur de tous les prophètes et des saints, pour mettre la lumière sur les ténèbres sur tout ce que les prophètes ont dit lorsque Dieu l'enverra. Jésus pleura et dit : Seigneur Dieu, aie compassion envers Israël. Regarde avec compassion la postérité d'Abraham afin qu'il te serve avec vérité et cœur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur notre Dieu, dirent ses disciples. Je vous dis en vérité que les docteurs et les scribes ont rendu la Torah futile avec leurs fausses prophéties, contraires aux prophéties des vrais prophètes de Dieu. La colère de Dieu est contre cette génération sans foi de la maison d'Israël. Dieu, aie pitié pour le temple et la ville sainte, ne la mets pas en dérision des nations et qu'il ne méprise pas ta sainte alliance, dirent ses disciples consternés à ces paroles. Qu'il en soit ainsi Seigneur, Dieu de nos pères, dit Jésus. Je vous ai choisi pour être mes disciples. Vous ne m'avez pas choisi. Si le monde vous déteste, vous serez alors vraiment mes disciples. Car le monde a toujours été hostile aux servants de Dieu. Souvenez-vous des saints prophètes tués par le monde. Au temps d'Élia, 10 000 prophètes furent tués par Jézabel, et ce pauvre Élia échappa de justesse avec 7 000 fils de prophètes que le capitaine de l'armée d'Achab avait cachés. Monde injuste qui ne reconnaît pas Dieu. Mais pour vous, n'ayez crainte, car même les cheveux de votre tête sont comptés pour qu'aucun ne se perde. Voyez les moineaux et autres oiseaux, comme pas une de leurs plumes ne tombe sans que Dieu le veuille. Est-ce que Dieu prendrait plus soin des oiseaux que de l'homme pour qui il a tout créé? Y a-t-il quelqu'un peut-être qui prendrait plus soin de ses chaussures que de son propre fils? Sûrement pas. Combien moins vous devez penser que Dieu vous abandonnerait alors qu'il prend soin des oiseaux? Et pourquoi je ne parle que des oiseaux? Pas même une feuille d'arbre ne tombe sans que Dieu le veuille. Croyez-moi, je vous dis la vérité, le monde aura grande peur de vous si vous mettez mes paroles en pratique. Il vous détestera et vous persécutera que s'il craint d'être découvert. Il ne vous détestera pas s'il ne craint pas que sa méchanceté soit découverte. Si vous voyez que vos paroles sont en mépris au monde, ne vous attristez pas, mais considérez que Dieu, qui est plus grand que vous, est autant en mépris au monde que sa sagesse est réputée absurde. Si Dieu endure le monde avec patience, pourquoi vous attristez, boue et poussière de terre? Par votre patience vous posséderez votre âme. Et si on vous gifle sur un côté du visage, offrez l'autre aussi pour la gifler. Ne rendez pas un mal par un mal comme font les pires bêtes, mais rendez un mal par un bien en priant Dieu pour ceux qui vous détestent. Le feu ne s'éteint pas par le feu mais par l'eau. Je vous dis que vous ne viendrez pas à bout d'un mal par un mal mais que par un bien. Voyez Dieu qui fait éclairer le bon comme le mauvais par le soleil, ainsi que la pluie. Vous devez vous aussi faire le bien pour tous, comme il est écrit dans la loi. Soyez saints parce que moi votre Dieu je suis saint. Soyez purs parce que je suis pur. Soyez parfaits parce que je suis parfait. En vérité je vous dis, le serviteur étudie comment plaire à son maître et ne porte aucun vêtement qui lui déplaise. Notre amour et la volonté sont notre vêtement. Prenez garde de vouloir aimer une chose qui ne plaise pas à notre Seigneur Dieu. Soyez assurés que Dieu déteste les pompes du monde et la luxure. Détestez ce monde aussi. Maître, demanda Céphas, nous avons tout délaissé pour te suivre, qu'allons-nous devenir? Au jour du jugement, vous serez assis à côté de moi pour rendre témoignage à la vérité contre les 12 tribus d'Israël. Mais qu'est cette chose, Seigneur? J'en ai choisi 12 et l'un d'eux est un démon. Les disciples furent affectés par cette parole et celui qui écrit demanda discrètement. Maître, Satan me trompera-t-il que je devienne réprouvé? Ne t'attriste pas, Barnabé. Ce que Dieu a choisi avant la création du monde ne périront pas. Réjouis-toi. Car ton nom est inscrit dans le livre de vie. N'ayez crainte, dit Jésus pour réconforter ses disciples, celui qui me déteste ne s'attriste pas à mes paroles, car il n'a pas de sentiment pour Dieu en lui. Les choisis furent rassurés par ses paroles. Jésus fit ses prières et ses disciples dirent « Amen ». Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux. Ayant fini ses dévotions, Jésus descendit de la montagne avec ses disciples et rencontra 10 lépreux qui crièrent de loin « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Jésus les appela à lui et leur dit « Que voulez-vous de moi, frères ? Donne-nous la santé, crièrent-ils tous. Misérables que vous êtes, avez-vous perdu la raison pour dire « Donne-nous la santé, ne voyez-vous pas que je suis un homme comme vous ? Appelez-en à notre Dieu qui vous a créé, car le Tout-Puissant est compatissant, il vous guérira. Nous savons que tu es homme comme nous, dirent les lépreux et pleurer, mais aussi un saint du Seigneur et un prophète de Dieu. Prie Dieu de nous guérir. Aie pitié d'eux, Seigneur, dirent les disciples à Jésus. Alors Jésus pria Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, aie compassion à l'écoute des paroles de ton servant. Par amour pour Abraham et ta sainte alliance, aie compassion pour ces hommes. Accorde-leur la santé comme ils demandent. Ayant dit cela, Jésus se tourna vers les lépreux et dit « Allez vous montrer aux Kohanim suivant la loi de Dieu. » Les lépreux partirent et furent purifiés en chemin. L'un d'eux, un Ishmaélite, revint trouver Jésus voyant qu'il était guéri, il s'inclina devant lui avec révérence et dit « Vraiment tu es un saint de Dieu. » Pour le remercier, il le pria de le recevoir comme serviteur. Jésus dit « 10 ont été purifiés mais où sont les 9 autres ? Je suis venu pour servir, non pour être servi. Va dans ta maison rapporter ce que Dieu a fait en toi pour qu'il sache que les promesses faites à Abraham et son fils viennent bientôt avec le royaume de Dieu. » Le lépreux purifié partit, et une fois arrivé dans son entourage, il rapporta ce que Dieu avait fait en lui par Jésus. Jésus partit à la mer de Galilée et monta sur un bateau voguant vers sa ville, à Nazareth. Il survint en mer une forte tempête et le bateau fut sur le point de couler tandis que Jésus dormait à la proue du bateau. Ses disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Sauve-toi maître, nous périssons. » Ils étaient saisis d'une grande frayeur en raison de la grande force contraire du vent et du grondement de la mer. Jésus se redressa et leva ses yeux au ciel en disant « Elohim Sabaoth, aie pitié de tes servants. » Le vent cessa et la mer se calma soudainement. Les marins dirent avec crainte « Qui est-il pour que la mer et le vent lui obéissent ?» Arrivés à la ville de Nazareth, les marins rapportèrent dans toute la ville ce que Jésus avait fait, et la maison où Jésus se trouvait fut cernée par tous les habitants qu'il y avait en ville. Les scribes et les docteurs se présentèrent à lui et dirent « Nous avons entendu ce que tu as fait en mer et en Judée. Donne-nous quelques signes ici dans ta région. Cette génération sans foi cherche un signe qui ne leur sera pas donné, car aucun prophète n'est reçu dans sa propre région. Les veuves étaient nombreuses dans Juda au temps d'Éléa, mais il ne fut envoyé qu'à une veuve de Sidon pour y être nourrie. Les lépreux étaient nombreux dans Juda du temps d'Élissa, mais seul le Syrien Naaman fut purifié. Les habitants devinrent enragés et le saisirent. Ils l'emmenèrent en haut d'un précipice, pour le jeter en bas, mais Jésus partit en passant au milieu d'eux. Jésus alla à Capharnaüm. Lorsqu'il approchait la ville, Il sortit des tombes impossédées, dont les démons faisaient subir de grandes souffrances, et qu'aucune chaîne ne pouvait retenir. Les démons crièrent par sa bouche. « Saint de Dieu, pourquoi venir nous troubler avant le temps ?» Et ils supplièrent Jésus de ne pas les chasser. Jésus leur demanda combien ils étaient, et ils dirent « 6666 ». Les disciples furent effrayés à les entendre et prièrent Jésus de partir, mais il leur dit « Où est votre foi ? Ce n'est pas à moi de partir mais aux démons. Nous sortirons, crièrent les démons. Permets-nous d'entrer dans ces porcs. » Il y avait près de la mer des porcs qui se nourrissaient, appartenant aux Cananéens. Sortez et entrez dans les porcs. Dans un rugissement, les démons entrèrent dans les porcs, qui se précipitèrent sans hésiter dans la mer. Ceux qui nourrissaient les porcs s'enfuirent en ville raconter tout ce qui était arrivé par Jésus. Quand les hommes de la ville vinrent, ils trouvèrent Jésus avec l'homme guéri et eurent peur. Ils supplièrent Jésus de quitter leurs frontières. Jésus partit et monta aux régions de Tyr et Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, partie de sa région avec ses deux fils à la recherche de Jésus, se mit à crier dès qu'elle le vit venir avec ses disciples. « Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille tourmentée du mal. » Jésus ne dit pas mot car ils étaient de peuple incirconcis, mais émus de compassion, les disciples dirent « Pitié pour eux, maître, vois comme ils pleurent et gémissent. Je ne suis envoyé qu'au peuple d'Israël. Aie pitié de moi, fils de David, dit la femme éplorée en approchant de lui avec ses fils. Il n'est pas bon de prendre le pain des mains des enfants pour le donner aux chiens. » Jésus dit cela en raison de leur impureté, car ils étaient des peuples incirconcis. « Seigneur, les chiens mangent les miettes tombées de la table de leur maître, » dit la femme. « Ta foi est grande, femme, » dit Jésus touché aux paroles de la femme, et il leva les mains au ciel pour prier Dieu. « Reprends ton chemin en paix, femme, ta fille est libre. » La femme partit, et à son retour elle trouva sa fille qui bénissait Dieu. Par la suite, toute sa parenté se joint à la Torah de Dieu conformément aux lois écrites au livre de Moshe, car la femme disait « Le seul vrai Dieu est le Dieu d'Israël. » Ce jour-là les disciples questionnèrent Jésus. « Maître, pourquoi as-tu répondu à la femme qu'ils étaient des chiens ? Je vous dis en vérité, un chien vaut mieux qu'un homme incirconcis. Qui peut recevoir ces paroles dures ?» dirent les disciples choqués. Insensé, voyez ce que fait le chien, qui n'a pas de raison pour servir son maître, et vous trouverez que je dis vrai. Le chien ne garde-t-il la maison de son maître et n'expose-t-il sa vie contre les voleurs, dites-moi? Sûrement. Et que reçoit-il? De nombreux coups et des blessures, avec un peu de pain. Mais il montre toujours joyeuse contenance à son maître. Est-ce vrai? C'est vrai, maître, dirent les disciples. Voyez combien Dieu a confié à l'homme, et vous verrez qu'il est injuste de ne pas observer l'alliance de Dieu faite avec son servant Abraham. Souvenez-vous de ce qu'a dit David à Saul le roi d'Israël contre le Philistin Goliath. Mon Seigneur, quand ton serviteur garde le troupeau de ton serviteur, mon père, le loup, l'ours, et le lion viennent saisir les moutons de ton serviteur, et ton serviteur va les combattre pour sauver les moutons. Cet incirconcis n'est-il pas comme l'un d'eux? Au nom du Seigneur Dieu d'Israël, ton serviteur ira combattre cet impur qui blasphème le saint peuple de Dieu. Maître, dis-nous pour quelle raison l'homme doit-il être circoncis ? Demandèrent les disciples. Qu'il vous suffise que Dieu l'ait commandé ainsi à Abraham. Abraham, Circoncis ton prépuce et celui de toute ta maison. C'est pour toujours une alliance entre toi et moi. » Ayant dit cela, Jésus s'assit près de la montagne que regardaient ses disciples. Puis il vint à ses côtés pour écouter ses paroles. Adam le premier homme, ayant mangé par fraude de Satan la nourriture interdite par Dieu au paradis, son corps se rebella contre l'esprit, aussi il jura en disant « Par Dieu je te retrancherai ». Ayant cassé un morceau de pierre, il saisit son corps pour le couper avec le bout tranchant de la pierre. Mais l'ange Gabriel le réprimanda. « Par Dieu j'ai juré de le retrancher, répondit-il. Et je ne serai jamais menteur. » L'ange lui montra le superflu de sa chair et il coupa cela. Depuis, comme tout homme a pris chair de la chair d'Adam, il doit l'observer sur ses fils et transmettre le devoir de circoncision de génération à génération. Au temps d'Abraham, depuis que l'idolâtrie s'était multipliée sur terre, il y avait peu de circoncis sur terre. Dieu révéla l'acte de circoncision à Abraham et fit cette alliance en disant « Je disperserai à jamais de mon peuple l'âme qui n'aura pas sa chair circoncis. » Les disciples prirent peur à ces paroles, car Jésus avait parlé avec vigueur d'esprit. Que la crainte soit sur celui qui n'aura pas circoncis sa chair, puisqu'il se prive du paradis. L'âme en plusieurs est prompte à servir Dieu, mais la chair est infirme. Aussi, l'homme qui craint Dieu doit considérer de quelle chose est la chair, de quoi elle vient et en quoi elle retourne. De la fange de la terre, Dieu créa la chair, en laquelle l'esprit souffla l'esprit vital en soufflant dedans. La chair qui empêche de servir Dieu doit être méprisée comme de la fange pour réprimer son emprise. Celui qui déteste son âme dans ce monde la gardera dans la vie éternelle. Comme elle est à présent, la chair qui manifeste ses désirs est farouchement ennemie de tout bien. Parce qu'elle désire le péché. L'homme devrait-il arrêter de plaire à son Créateur Dieu pour satisfaire le désir d'un de ses ennemis? Tous les saints et prophètes ont été ennemis de leur chair pour servir Dieu et sont allés à la mort sans tarder et avec allégresse, pour ne pas offenser la loi de Dieu donnée à son servant Moshe, que d'aller servir de fausses divinités du mensonge. Rappelez-vous Élia qui s'enfuit dans les déserts des montagnes, qui se nourrissait seulement d'herbe, vêtu d'une peau de chèvre. Combien de jours sans souper, et quel froid endurer, combien d'averses l'ont trempé? C'est ce qu'il a enduré durant 7 ans de persécution de l'impure Jézabel. Rappelez-vous Élisa qui mangeait du pain d'orge et ne portait que des tissus rêches. Je vous dis en vérité, que ceux qui n'ont pas eu crainte de mépriser leur chair étaient terriblement craints du roi et des princes. Ceci devrait vous suffire sur le mépris de la chair des hommes. Vous saurez ce qu'est la chair quand vous examinerez les tombes. Puis Jésus dit en larmes : Malheur à ceux qui sont esclaves de leur chair. Je vous le dis, ils sont sûrs de n'avoir aucun bien dans l'autre vie, mais que des tourments pour le péché. Il y avait un riche glouton qui ne prêtait attention à rien qu'à la gloutonnerie, faisant chaque jour grand festin. À sa porte, il y avait un pauvre couvert de plaies, nommé Lazare, qui souhaitait recevoir les miettes tombées de la table du glouton, mais personne ne lui en donnait. Tous se moquaient de lui. Les seuls qui avaient pitié de lui étaient les chiens qui léchaient ses plaies. Quand le pauvre mourut, les anges vinrent et le portèrent dans les bras d'Abraham. Quand le riche mourut aussi, les démons le portèrent dans les bras de Satan pour endurer le plus grand tourment. En levant les yeux, il vit Lazare de loin dans les bras d'Abraham. « Père Abraham, s'écria le riche, aie pitié de moi. Envoyez Lazare me porter une goutte d'eau de son doigt pour rafraîchir ma langue tourmentée dans cette flamme. » « Fils, répondit Abraham, rappelle-toi avoir reçu ton bien dans l'autre vie et Lazare son mal. Tu es maintenant dans le tourment et Lazare dans l'apaisement. » Père Abraham, cria de nouveau le riche, il y a trois de mes frères dans ma maison. Envoyez Lazare pour leur dire, comme je souffre afin qu'ils se corrigent et ne viennent pas ici. Ils ont Mosché et les prophètes, qu'ils les écoutent, répondit Abraham. Né père Abraham, ils ne croiront que si un mort se lève, répondit le riche. Qui ne croit pas à Mosché et au prophète ne croira pas même si les morts se lèvent, dit Abraham. Voyez-vous la bénédiction du pauvre, qui a eu patience et ne souhaitant que le nécessaire en dédaignant sa chair? Misérables sont ceux qui portent les autres en tombe pour donner leur chair à manger au ver et n'étudient pas la vérité. Et qui plus encore se construisent de grandes maisons pour vivre comme des immortels et accèdent à de gros revenus que pour vivre de vanité. Maître, dit celui qui écrit, nous avons tout laissé pour suivre tes paroles car elles sont vraies. Dis-nous comment détester notre chair? Car il n'est pas permis de se tuer, et tant que nous vivons nous devons lui donner subsistance. Garde ta chair comme un cheval, et tu vivras en sûreté. Comme à un cheval, donne-lui à manger avec mesure, et du travail sans mesure. Mets une bride sur lui pour marcher suivant ta volonté, et attache-le pour n'agacer personne, et qu'il soit gardé dans un réduit, et frappé s'il n'est pas obéissant. Fais ainsi Barnabé et tu vivras toujours avec Dieu. Ne vous offensez pas de mes paroles. Le prophète David faisait ainsi, comme il dit. Je suis devant toi et suis toujours près de toi comme un cheval. Dites-moi qui est le plus pauvre, celui qui se satisfait de peu ou celui qui est peu satisfait? Je vous dis en vérité que si le monde avait un esprit saint, personne n'amasserait rien pour lui-même mais tout serait en commun. On reconnaît sa folie en cela que plus il amasse, plus il en veut et plus il accumule pour le charnel. Je vous dis en vérité, une grande accumulation dans cette vie rend un sûr témoignage de n'avoir rien à recevoir dans l'autre. Celui qui a Jérusalem comme pays natal ne construit pas de maison en Samarie où il y a hostilité entre ces villes. Comprenez-vous? Oui, dirent les disciples. Qu'une seule tunique vous suffise. Jetez votre sac, ne portez aucun bagage, ni scandale aux pieds. Ne pensez pas à ce qui nous arrivera mais ayez la pensée de faire la volonté de Dieu, car il pourvoira à votre nécessaire, au point que vous ne manquerez de rien. Un homme en voyage découvrit un trésor dans un champ à vendre pour 5 pièces d'argent. Dès qu'il le sut, il vendit tout de suite son manteau pour acheter ce champ. Est-ce croyable? Celui qui ne croirait pas cela est fou, dirent les disciples. Seriez-vous fou pour ne pas donner vos 5 cents à Dieu pour acheter votre âme ou est caché un trésor d'amour? L'amour est un trésor incomparable. Et qui aime Dieu a Dieu en lui, et qui a Dieu a tout. Maître, dit Céphas, comment aimer Dieu d'un amour vrai? En vérité je vous dis, qu'il ne déteste pas son père, sa mère, sa vie personnelle, sa femme et ses enfants pour l'amour de Dieu, n'est pas digne d'être aimé de Dieu. Maître, dit Céphas, il est écrit dans la loi de Dieu au livre de Mosché. Honore ton père afin que tu vives sur la terre longtemps. Plus loin il dit. Maudit soit le fils qui n'obéit pas à son père et sa mère. Comment peux-tu nous demander de détester père et mère? Dieu ordonne aussi qu'un fils désobéissant soit lapidé à la porte de la ville sous la colère du peuple. Chacune de mes paroles sont la vérité, elles ne sont pas de moi mais de Dieu qui m'a envoyé vers la maison d'Israël. Comme je vous dis, c'est Dieu qui vous a accordé tout ce que vous possédez, lequel donc est plus précieux, le donneur ou le don? Si ton père, ta mère ou toute autre chose est pour toi une pierre d'achoppement envers le service de Dieu, abandonne-les comme des ennemis. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham : quitte la maison de ton père, de ta parenté, et va habiter la terre que je donnerai à toi et à ta descendance. Dieu l'a dit strictement parce que le père d'Abraham était un faiseur d'images qui fabriquait et vénérait de fausses divinités. De là qu'il y eut hostilité entre eux au point que le père souhaita brûler son fils. Tes paroles sont vraies, dit Céphas. Maître, dis-nous comment Abraham se moqua de son père. Abraham avait 7 ans quand il se mit à chercher Dieu. Il dit un jour à son père. Père, qui a fait l'homme? L'homme. Car je t'ai fait et mon père m'a fait, répondit sottement le père. Père, ce n'est pas ainsi, dit Abraham, car j'ai entendu un vieillard dire en pleurant. Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné des enfants? C'est vrai, mon fils, dit le père. Que les dieux aident l'homme à faire l'homme, mais ils n'y mettent pas la main. Il suffit à l'homme de prier son Dieu de lui donner des agneaux et des moutons et son Dieu l'aidera. Père, reprit Abraham, combien y a-t-il de dieux? Un nombre infini, mon fils, répondit le vieil homme. Père, que m'arrivera-t-il si je sers un dieu et qu'un autre veut me faire du mal? Parce que je ne le sers pas? D'une façon ou l'autre, il surviendra une dispute entre eux puis la guerre. Et si le Dieu qui me veut du mal tue mon Dieu, que ferai-je? Car il est certain qu'il me tuera aussi. N'aie crainte, fils, aucun Dieu ne fait la guerre à un autre Dieu, répondit le vieillard en riant. Il y a 1000 dieux avec le grand Baal dans le grand temple. J'ai presque 70 ans maintenant et je n'ai encore jamais vu un dieu en frapper un autre. Pourtant tous les hommes ne servent pas le même dieu, mais un pour un homme et un autre pour l'autre. Ils sont en paix entre eux, dit Abraham. Ils le sont, dit le père. Père, à quoi ressemblent les dieux? Dit Abraham. Insensé, dit le vieillard. Chaque jour je fais un dieu que je vends aux autres pour acheter du pain et tu ne sais pas à quoi ressemblent les dieux? Ça c'est du bois de palme et celui-ci d'olivier. Ce petit-ci est d'ivoire, dit-il parce qu'il fabriquait l'idole, vois comme il est beau, on dirait qu'il est vivant, il ne manque que le souffle. Ainsi père, répondit Abraham, si les dieux sont sans souffle, comment donnent-ils souffle? S'ils sont sans vie, comment donnent-ils vie? C'est sûr qu'ils ne sont pas Dieu. Si tu avais l'âge de comprendre, j'aurais cassé ta tête avec cette hache, dit le vieillard en colère. Reste tranquille parce que tu n'as pas de compréhension. Père, si les dieux aident l'homme à faire l'homme, pourquoi l'homme fait-il des dieux? Et si les dieux sont faits de bois, c'est une grande faute de brûler du bois, dit Abraham. Dis-moi père, après avoir fait autant de dieux, pourquoi ne t'ont-ils pas aidé à faire beaucoup d'enfants pour que tu deviennes l'homme le plus puissant du monde? Dit-il au vieillard qui était hors de lui. Dis-moi père, est-ce que le monde a été sans homme un certain temps? Oui, pourquoi? Dit le vieillard. Pour savoir qui a fait la première idole, continua Abraham. Sors vite de ma maison, dit le vieil homme. Laisse-moi faire ce Dieu sans me dire un mot, car lorsque tu as faim, tu veux du pain, non des mots. Quelle belle idole que tu tailles comme tu veux sans qu'elle se défende, dit Abraham. Tout le monde dit que c'est un Dieu et toi insensé, tu dis qu'il ne l'est pas. Par mes dieux, si tu étais un homme je pourrais te tuer, dit-il en faisant main et pied pour chasser Abraham de la maison. Surpris à la sagesse d'Abraham, les disciples rient de la folie du vieillard. Jésus les réprouva. Avez-vous oublié les paroles qu'a dites le prophète? Le rire présent annonce les larmes à venir. Et plus loin. Ne va pas où l'on rit mais assieds-toi où sont ceux qui pleurent, car cette vie passe dans les misères. Au temps de Mosché, sachez que Dieu transforma de nombreux hommes d'Égypte en bêtes hideuses pour s'être moqués et rire des autres. Prenez garde de ne rire de personne de quelque manière, car vous en pleurez sûrement. Nous avons ri de la folie du vieil homme, répondirent les disciples. Je vous dis en vérité, chacun aime son semblable avec qui il trouve complaisance. Si vous n'êtes pas fou, vous ne rirez pas de la folie. Puisse Dieu avoir pitié de nous, dirent-ils. Qu'il en soit ainsi. Maître, dit Philippe, pourquoi le père d'Abraham voulait-il brûler son fils? Abraham venait d'avoir 12 ans quand son père lui dit. Demain c'est la fête de tous les dieux, nous irons au grand temple porter une offrande à mon Dieu le grand Baal et tu te choisiras un Dieu, car que tu es en âge d'avoir un Dieu. Volontiers mon père, répondit Abraham avec artifice. Le matin de bonne heure ils allèrent au temple avant les autres, Abraham emporta une hache cachée sous sa tunique. Entré dans le temple, tandis que la foule augmentait, Abraham se cacha derrière une idole dans un coin sombre du temple. Au retour, son père crut qu'Abraham était rentré avant lui et ne resta pas le chercher. Quand tout le monde sortit du temple, les prêtres fermèrent le temple et s'en allèrent. Abraham prit alors la hache et brisa les pieds de toutes les idoles, excepté ceux du grand Baal. Il plaça la hache à ses pieds au milieu des débris des vieilles statues tombées en morceaux. Mais en sortant du temple, Abraham fut aperçu par certains hommes qui le soupçonnèrent d'avoir volé quelque chose du temple et ils mirent la main sur lui. Entrés au temple et voyant leurs idoles brisées en morceaux, ils se lamentèrent en criant. Venez vite que nous tuons celui qui a tué nos dieux. Environ 10 000 hommes accoururent avec les prêtres ensemble et interrogèrent Abraham de la raison pour laquelle il avait détruit leurs idoles. Êtes-vous fou, répondit Abraham, est-ce qu'un homme pourrait tuer un dieu? C'est le grand Dieu qui les a tués. Ne voyez-vous pas la hache qui est près de ses pieds? C'est certain qu'il ne souhaite aucune compagnie. Le père d'Abraham arriva, troublé par les nombreux discours d'Abraham contre leurs idoles, et reconnut la hache avec laquelle Abraham avait brisé les idoles en morceaux. Il cria. Cette hache est à moi. C'est ce traître de fils qui a tué nos dieux. Et il leur raconta tout ce qui s'était passé entre lui et son fils. Par conséquent les hommes lièrent pieds et mains d'Abraham, ils amassèrent une grande quantité de bois, le placèrent dessus et mirent feu en dessous. C'est alors que Dieu, par son ange ordonna au feu ne pas brûler son servant Abraham. Le feu s'embrasa avec fureur et brûla environ 2 000 hommes de ceux qui avaient condamné Abraham à mort. Abraham se retrouva libre après que l'ange de Dieu le porta près de la maison de son père, sans voir qui les portait. Abraham échappa ainsi à la mort. Grande est la miséricorde de Dieu sur ceux qui l'aiment, dit Philippe. Dis-nous maître comment Abraham eut la connaissance de Dieu. Arrivé à la maison de son père, Abraham craignit d'y entrer. Il prit une certaine distance de la maison et s'assit sous un palmier. Entré en lui-même, il se dit : Il faut qu'il y ait un Dieu qui a pouvoir et vit plus que l'homme, puisqu'il a fait l'homme. Sans Dieu, l'homme ne pourrait pas faire l'homme. Regardant alentour, vers les étoiles, la lune et le soleil, il pensa qu'il pourrait être Dieu, mais après avoir considéré le changement de leur mouvement, il se dit : Il est nécessaire que Dieu ne change pas, ni que les nuages le cachent, sinon les hommes seraient réduits à rien. Resté en suspens, il entendit appeler du nom : Abraham. Se retournant autour et ne voyant personne, il se dit : J'ai sûrement entendu en moi-même appeler du nom d'Abraham. Une seconde fois de même manière, il entendit en lui-même appeler du nom : Abraham. Qui m'appelle ? Répondit-il. Je suis l'ange de Dieu, Gabriel. Entendant cela, Abraham fut rempli de crainte. Mais l'ange le rassura : N'aie crainte, Abraham, tu es un ami de Dieu depuis que tu as brisé les divinités des hommes en morceaux. Tu as été choisi par le Dieu des anges et des prophètes, tu es inscrit au livre de vie. Que devrais-je faire pour servir le Dieu des anges et des saints prophètes ? Dit Abraham. Va te laver à cette fontaine, répondit l'ange, car Dieu veut parler avec toi. Comment devrais-je me laver ? Dit Abraham. L'ange se présenta sous l'aspect d'une belle jeunesse, et se lava dans la fontaine. Fais ainsi à ton tour, Abraham. Après qu'Abraham s'était lavé, l'ange dit : Monte sur cette montagne, car Dieu veut te parler là. Il monta sur la montagne comme l'ange lui dit. S'étant mis sur ses genoux, Abraham se dit : Quand le Dieu des anges me parlera-t-il ? Il entendit s'appeler lui-même d'une voix douce : Abraham. Qui m'appelle ? Lui répondit-il. Abraham, je suis ton Dieu, répondit la voix. Rempli de crainte, Abraham baissa sa face à terre. Comment ton servant, qui est cendre et poussière, peut-il t'entendre ? N'aie crainte. Relève-toi, je t'ai choisi comme mon servant. Je veux te bénir et te faire grandir en un grand peuple, dit Dieu. Pars de la maison de ton père, de ta parenté, et viens habiter dans la terre que je donnerai à toi et ta postérité. Je ferai tout, Seigneur, mais protège-moi qu'aucun autre Dieu ne me frappe, dit Abraham. Je suis l'unique Dieu, il n'y a personne d'autre que moi, dit Dieu. Je brise et rétablis en entier, je tue et donne vie, je conduis au monde d'en bas et j'en fais sortir. Personne ne peut se dégager de mes mains. Abraham connut Dieu ainsi, et Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ayant dit cela, Jésus leva ses mains, disant : À toi Dieu soit honneur et gloire. Ainsi soit-il. Jésus monta à Jérusalem à l'approche de Sukkot, une fête de notre nation. Ayant prévu cela, les scribes et pharisiens s'étaient consultés pour l'attraper dans ses dires. Un docteur s'approcha et lui dit : Maître, que faire pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-il écrit dans la loi ? D'aimer ton Seigneur Dieu, répondit le provocateur, et ton prochain. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, et toute ton âme, et toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Aussi je te dis, Fais ainsi et tu auras la vie éternelle. Qui est mon prochain? Lui dit-il. Levant ses yeux, Jésus répondit. Un homme descendit de Jérusalem pour aller jusqu'à Yériou, c'est-à-dire Jéricho, une ville rebâtie sous malédiction. En chemin, cet homme fut pris par des voleurs qui, l'ayant dépouillé et frappé, le laissèrent à moitié mort en partant. Il arriva qu'un Cohen passe par cet endroit et voit l'homme blessé, mais il décampa sans l'aider. Un Lévite décampa de même manière sans dire un mot. Il arriva qu'un Samaritain passe par là et voit l'homme blessé, il fut ému de compassion et descendit de son cheval pour s'occuper du blessé. Il lava ses blessures avec du vin, les enduit d'onguent, pansa les plaies et le rassura. Puis il le mit sur son cheval, et arrivé à l'auberge en soirée, il le confia à l'hôte pour le soigner. Le lendemain à son réveil, il lui dit « Prends soin de cet homme, je paierai tout. » Puis il remit au blessé 4 pièces d'or pour l'hôte et dit « Sois en bonne santé. Je vais vite revenir et te conduire dans ma maison. » Maintenant, dis-moi lequel d'entre eux fut le prochain? Celui qui a montré miséricorde, répondit le docteur. Tu as bien répondu. Va et fais pareillement. Le docteur partit embarrassé. Les Kohanim s'approchèrent de Jésus et dirent. Maître, est-il permis de payer tribut à César? As-tu de la monnaie? Dit Jésus en se tournant vers Judas. Prenant un sou dans sa main, Jésus se tourna vers les Kohanim et leur dit. Ce sou a une image, dites-moi de qui est l'image? De César, répondirent-ils. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Ils partirent confus. Voici, un centurion s'approcha et dit. Seigneur, mon fils est malade. Aie pitié de ma vieillesse. Le Seigneur Dieu d'Israël a pitié de toi. L'homme s'en allait quand Jésus lui dit. Attends-moi, je vais venir prier sur ton fils dans ta maison. Je ne suis pas digne que toi, prophète de Dieu, vienne dans ma maison. La parole que tu as dite pour la guérison de mon fils me suffit, car ton Dieu t'a fait Seigneur sur toutes les maladies, comme m'a dit son ange dans mon sommeil, dit le centurion. Jésus s'étonna grandement et dit en se tournant vers la foule. Voici, cet étranger a plus de foi que ceux que j'ai trouvés en Israël. Va en paix, dit-il au centurion. La grande foi qu'il t'a accordée a donné la santé à ton fils. Le centurion reprit son chemin et rencontra ses serviteurs sur la route qui lui annoncèrent que son fils était guéri. À quelle heure la fièvre est-elle partie? Demanda l'homme. La fièvre l'a quitté hier à la 6e heure, dirent-ils. L'homme comprit que son fils reçut sa santé quand Jésus dit. Le Seigneur Dieu d'Israël a pitié de toi. L'homme crut en notre Dieu, et entré dans sa maison, il cassa toutes ses idoles en morceaux en disant « Seul le Dieu d'Israël est vraiment vivant. Personne ne mangera de mon pain s'il ne vénère pas le Dieu d'Israël. » Un expert de la loi invita Jésus à souper pour le mettre à l'épreuve, et quand Jésus arriva avec ses disciples, beaucoup de scribes dans la maison l'attendaient pour l'éprouver. Comme les disciples se mirent à table, sans avoir lavé leurs mains, les scribes appelèrent Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples n'observent-ils pas les rituels de nos anciens? N'ont pas lavé leurs mains avant de manger le pain. Pour quelle raison je vous demande annulez-vous les lois de Dieu pour observer vos rituels? Vous dites aux fils des pères pauvres, offrez et faites vœux au temple. Alors ils font vœux du peu qu'ils ont pour supporter leur père. Et quand les pères souhaitent prendre l'argent, les fils crient. Cet argent est consacré à Dieu. Et les pères souffrent. Faux scribes et hypocrites. Dieu utilise-t-il peut-être cet argent? Pas. Car Dieu ne mange pas comme le dit son servant, le prophète David. Mangerai-je la chair des taureaux et boirai-je le sang des moutons? Si je devais avoir faim, je ne demanderai rien de vous, car toutes choses sont dans mes mains et l'abondance du paradis est avec moi. Mais offrez-moi des sacrifices d'action de grâce, en accomplissement de vos vœux envers moi. Mais vous hypocrites, vous faites cela pour vous remplir vos poches de la dîme sur la ruta et la menthe. Misérables, qui montrez clairement aux autres la voie par laquelle vous ne passez pas. Vous scribes et docteurs, qui mettez des poids d'une charge intolérable sur les épaules des autres, mais vous-même ne voulez pas les bouger d'un doigt. En vérité, je vous dis que tout le mal est entré dans le monde sous le prétexte des anciens. Car qui a fait entrer l'idolâtrie dans le monde, si ce n'est les rituels des anciens? Dites-moi. Il y avait un roi qui aimait excessivement son père, nommé Baal. À la mort de son père, pour sa consolation personnelle, le fils fit faire une image comme son père, qu'il plaça au marché de la ville. Il publia ensuite le décret que quiconque approcherait cette statue dans un espace de 15 coudées serait en sécurité, et personne ne pourrait le maltraiter sous aucun prétexte. En raison de l'avantage que les malfaiteurs en tiraient, ils se mirent à faire des offrandes de fleurs de rosier pour honorer la statue, et en peu de temps les offrandes se changèrent en nourriture et argent, et ils en vinrent jusqu'à l'appeler Dieu. Ce rituel se transforma en loi au point que l'idolâtrie de Baal se répandit dans le monde entier. Dieu le désapprouve sévèrement par le prophète Ésaïe. Vraiment, ce peuple m'honore en vain, ils ont annulé ma loi qui leur fut donnée par mon servant Moshe pour suivre les rituels de leurs anciens. Je vous dis en vérité que manger du pain les mains sales ne souille pas l'homme. Ce qui entre dans l'homme ne souille pas l'homme, ce qui sort de l'homme souille l'homme. Si je mange du porc ou autre viande impure, ne souilleront-ils ma conscience? Dit un scribe. La désobéissance n'entre pas en l'homme, elle sort du cœur de l'homme. L'homme sera souillé lorsqu'il mangera de la nourriture interdite. Tu parles beaucoup contre l'idolâtrie, comme si le peuple d'Israël avait des idoles, dit un des docteurs. Tu nous fais du tort. Je sais bien qu'en Israël aujourd'hui il n'y a pas d'idoles de bois, mais des idoles de chair. Ainsi nous sommes idolâtres? Dirent les scribes en colère. Je vous dis en vérité, la loi ne dit pas tu idolâtreras, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce vrai? C'est vrai, dirent-ils tous. En vérité, ce qu'un homme aime, ce pour lequel il laisse toute autre chose, est son Dieu. Le fornicateur idolâtre la courtisane. Le glouton ou l'ivrogne idolâtre sa propre chair. Le convoiteux idolâtre l'or et l'argent. Ainsi pour tous les autres pécheurs. Rappelez-vous ce que dit Dieu en parlant à Israël, et vous verrez que ce péché est grave, comme Moshe et Josué l'ont écrit dans la loi. Tu ne feras pour toi-même aucune image de ces choses qui sont au ciel, ni celles sous le ciel, ni des choses sur la terre, ni celles sur l'eau, ni celles sous l'eau. Je suis ton Dieu fort jaloux, qui fera vengeance de ce péché sur les pères et sur leurs enfants jusqu'à la quatrième génération. Souvenez-vous quand notre peuple a fait le veau et qu'ils l'ont adoré, comment Josué et la tribu de Lévi ont pris l'épée par ordre de Dieu et tuèrent parmi eux 120 000 de ceux qui n'avaient pas imploré à Dieu miséricorde. Comme le jugement de Dieu est terrifiant contre les idolâtres, quel est le plus grand péché? Demanda celui qui l'avait invité. Quelle est la plus grande ruine d'une maison? Tout le monde fit silence et Jésus pointa la fondation de son doigt. Si la fondation laisse passer, la maison tombe aussitôt en ruine au point qu'il faut rebâtir à neuf. Toute autre section qui laisse passer peut être réparée. Je vous dis que l'idolâtrie est le plus grand péché car il prive l'homme de foi et par conséquent de Dieu, car il ne peut pas avoir d'amour spirituel. Tout autre péché laisse à l'homme l'espoir d'obtenir miséricorde, aussi je dis que l'idolâtrie est le plus grand péché. Tous étaient stupéfaits à ces paroles sachant qu'en aucune façon cela ne pouvait être contesté. Quelqu'un se tenait à la porte, ayant sa main droite contorsionnée et ne pouvait s'en servir. Jésus éleva son cœur vers Dieu et pria. Puis il dit, « Pour que vous sachiez que mes paroles sont vraies, je dis au nom de Dieu, homme étant ta main infirme. » Il étira entièrement sa main comme si elle n'avait rien eu. Il se mit à manger avec la crainte de Dieu. Ayant peu mangé, Jésus dit de nouveau, « Je vous dis en vérité qu'il vaut mieux brûler une ville que d'y laisser un mauvais rituel. » Car c'est pour cette raison que la colère de Dieu est avec les rois et les princes de la terre à qui Dieu a donné l'épée pour détruire toutes les erreurs. Lorsque tu es invité, rappelle-toi de ne pas te mettre à la plus haute place. Car à la venue d'un plus grand ami, si l'hôte te dit « Lève-toi et assieds-toi plus bas », ce serait pour toi une honte. Assois-toi à la place la plus insignifiante, et si l'autre te dit « Lève-toi ami, et viens t'asseoir ici au-dessus », tu auras alors grand honneur. Celui qui s'élève sera humilié, celui qui s'humilie sera élevé. Je vous dis en vérité, Satan ne devint pas un réprouvé pour d'autres péchés que son arrogance. Comme dit le prophète Ésaïe, qu'il a réprimandé par ces mots. Comme tu es tombé du ciel, brillance, qui était la beauté des anges et irradiait comme le lever du jour, vraiment ton arrogance fut abattue jusqu'à terre. Je vous dis en vérité que si l'homme connaissait ses misères, il pleurerait toujours ici sur terre et se considérerait plus vilain que toutes les autres choses. Ce n'est pas pour d'autres raisons que le premier homme et sa femme ont pleuré sans cesse pendant 100 ans, car ils ont imploré la compassion de Dieu quand ils surent vraiment où ils étaient tombés par leur arrogance. Après avoir dit ceci, Jésus rendit grâce. En ce jour on rapporta les grandes choses que Jésus dit et le miracle qu'il fit dans Jérusalem, de sorte que le peuple remerciait Dieu et bénissait son saint nom. Ayant su qu'il avait parlé contre les rituels des anciens, les scribes et Kohanim furent consumés d'une plus grande haine et endurcirent leur cœur comme Pharaon et cherchèrent l'occasion de le tuer. Jésus quitta Jérusalem et se rendit vers le désert au-delà du Jourdain. Assis autour de Jésus, ses disciples lui demandèrent « Maître, dis-nous comment Satan est tombé par arrogance ?» Nous avons entendu qu'il tomba par désobéissance et qu'il pousse toujours les hommes à mal agir. Dieu créa une masse de terre qu'il laissa 25 000 ans sans rien faire. Étant pour ainsi dire Cohen et chef des anges, Satan sut que Dieu prendrait de cette masse de terre 144 000 êtres marqués du sceau de prophétie et l'envoyé de Dieu, dont il avait créé l'âme 60 000 ans avant rien d'autre. Indigné, il se mit à provoquer les anges. Vous verrez qu'un jour Dieu voudra que nous fassions révérence à cette terre. Mais pour nous qui sommes esprits, il ne convient pas d'agir ainsi, dit-il. Beaucoup se détournèrent alors de Dieu. Un jour que tous les anges étaient rassemblés, Dieu dit : Que ceux qui me considèrent leur Seigneur fassent tout de suite révérence à cette terre. Ceux qui aimaient Dieu s'inclinèrent. Mais Satan dit pour ceux qui étaient de son avis : Seigneur, pour nous qui sommes esprits, il n'est pas juste de faire révérence à cette boue. Ayant dit cela, Satan devint horrible et effrayant d'aspect et ses suivants devinrent vilains. À cause de leur rébellion, Dieu retira de la beauté dont il les avait revêtus en les créant. Quand les saints anges relevèrent leur tête et virent les monstres épouvantables que Satan et ses suivants étaient devenus, ils se jetèrent face devant par la crainte. Seigneur, tu as fait de moi une horreur injustement, dit Satan. Je me contenterai d'annuler tout ce que tu feras. Tu es Seigneur Brillance. Ne l'appelle pas Seigneur, dirent les autres démons. Repentez-vous, dit Dieu au suivant de Satan. Et reconnaissez que je suis votre Créateur Dieu. Tu n'es pas juste. Nous regrettons de t'avoir fait quelconque révérence, car Satan qui est juste et innocent est notre Seigneur, répondirent-ils. Soyez maudits en vous séparant de moi. Je n'aurai pas de miséricorde pour vous, dit Dieu. À son départ, Satan cracha sur cette masse de terre et l'ange Gabriel retira ce crachat avec un peu de terre. Les disciples furent grandement étonnés de la rébellion des anges. Je vous dis en vérité, celui qui ne fait aucune prière est plus mauvais que Satan et subira les plus grands tourments. Car avant sa chute, Satan n'avait pas d'exemple de crainte et Dieu n'a pas tant fait pour le solliciter au repentir en envoyant un prophète. Quant aux hommes, je dis qu'ils ont d'infinis exemples de la justice de Dieu et malgré cela ils vivent sans égard ni crainte, comme si Dieu n'y était pas, comme dit le prophète David. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, aucun d'eux ne fait le bien. Ils se sont corrompus jusqu'à devenir méprisables. Priez sans cesse, mes disciples, pour que vous puissiez recevoir. Qui cherche trouve, qui demande reçoit, on ouvre à celui qui frappe. Dans votre prière, ne cherchez pas à trop parler. Car Dieu regarde le cœur, comme il dit à Shlomo. Donne-moi ton cœur, mon servant. Comme Dieu vit, je vous dis en vérité que les hypocrites multiplient leurs prières pour être vus à chaque coin de la ville et se faire considérer saints par la foule, bien que leur cœur rempli de malveillance n'ait aucun sentiment pour ce qu'ils prient. Je vous dis en vérité, très peu font de vraies prières. Et par conséquent, Satan a pouvoir sur eux dans le temple même, car Dieu ne veut pas de ceux qui le vénèrent que des lèvres. Leurs lèvres demandent miséricorde, mais leur cœur se rebelle contre sa justice, comme dit par le prophète Ésaïe. Éloigne ce peuple qui m'irrite, car ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est distant de moi. Je vous dis en vérité, qui va prier sans d'abord réfléchir, se moque de Dieu. Qui aurait le dos tourné en parlant avec Hérode, ou en lui disant du bien du gouverneur Pilate qu'il déteste à mort? Sûrement personne. Qui irait parler au gouverneur romain ou à Hérode sans avoir fait le point de sa pensée, à qui s'adresser, et ce qu'il va faire, dites-moi? Sûrement personne. Si l'homme fait ainsi pour parler à un homme, que doit faire l'homme pour parler à Dieu? Pour lui demander miséricorde de ses péchés et le remercier de tout ce qu'il lui a donné? Pas moins pour l'homme qui fait une prière sans s'y préparer. S'il tourne le dos à Dieu et dit du bien de Satan devant lui, c'est parce que son cœur a l'amour d'un péché dont il ne se repent pas. Comment pourriez-vous pardonner celui qui vous a frappé, s'il dit « pardonne-moi » de ses lèvres, mais vous donne un coup de ses mains? Pareillement Dieu. Il n'aura pas de miséricorde pour ceux qui disent « pitié de nous Seigneur » de leurs lèvres, mais dans leur cœur aiment le péché, et pensent à de nouveaux péchés. Les disciples pleurèrent sur ces paroles de Jésus et ils le supplièrent. Apprends-nous à prier, Seigneur. Pensez à ce que vous feriez si le gouverneur romain vous prenait pour vous mettre à mort et faites pareillement quand vous irez prier. Que vos paroles soient celles-ci. Seigneur notre Dieu, béni est ton saint nom. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de chaque jour et pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation mais délivre-nous du mal, car c'est à toi, notre seul Dieu, qu'appartiennent gloire et honneur à toujours. Maître, dit Jean, allons-nous purifier comme Dieu l'ordonne par Mosché. Penses-tu que je suis venu détruire la loi et les prophètes? Comme Dieu vit, je vous dis en vérité que, je ne suis pas venu les détruire mais les appliquer comme chaque prophète a appliqué la loi de Dieu, et tout ce que Dieu a dit par les autres prophètes. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, celui qui rompt la plus petite loi ne peut plaire à Dieu. Il sera le plus petit dans le royaume de Dieu et il n'en aura aucune part. Je vous dis de plus, une syllabe de la loi ne peut se rompre sans gravement pécher. Je vous dis que vous devez appliquer ces mots que Dieu dit par le prophète Ésaïe. Lavez-vous pour être pur, emportez vos pensées loin de mes yeux. En vérité, à celui qui aime les péchés dans son cœur, même l'eau de toute la mer ne le purifiera pas. Et s'il ne fait pas de prière sans s'être lavé comme il plaît à Dieu, il charge son âme d'un péché comme l'idolâtrie. Croyez-moi en vérité, l'homme obtiendra tout ce qu'il demande s'il fait une prière comme il convient à Dieu. Rappelez-vous les servants de Dieu, comment par le prière Mosché châtia l'Égypte et ouvrit la mer rouge où Pharaon et son armée se noyèrent. Josué a fait immobiliser le soleil. Shemuel frappa de terreur l'innombrable armée des Philistins. Élie fit tomber du ciel une pluie de feu. Élisa ressuscita un mort. Ainsi que beaucoup de prophètes et d'autres saints qui obtinrent tout ce qu'ils demandèrent en prière. Car ces vrais hommes ne cherchaient pas leurs intérêts personnels dans leurs affaires, mais Dieu seul et son honneur. Maître, dit Jean, dis-nous comment Adam a péché par vanité? Après que Dieu chassa Satan et que l'ange Gabriel avait purifié la masse de terre où cracha Satan, Dieu créa alors tout ce qui vit, tant les animaux qui volent que ceux qui nagent et marchent. Et Dieu embellit le monde de tout ce qu'il a. Un jour que Satan s'était approché des portes du paradis, il vit les chevaux manger l'herbe et leur dit que leur labeur serait pénible si ce tas de terre recevait une âme. Et qu'il serait à leur avantage de piétiner ce tas de terre jusqu'à être bon à rien. Les chevaux se cabrèrent et se mirent fougueusement à piétiner ce tas de terre étendu parmi les lys et les roses. Dieu donna âme à l'impur ramassé de terre où fut enterré le crachat de Satan que Gabriel avait retiré de la masse, et le chien se dressa en aboyant, faisant peur aux chevaux qui s'enfuirent. Dieu donna son âme à l'homme alors que tous les saints anges chantaient. Béni est ton saint nom, Seigneur notre Dieu. Adam se leva sur ses pieds et aperçut dans les airs un écrit brillant, comme le soleil qui disait « Dieu seul digne de louange, et envoyé de Dieu. » Je remercie Seigneur, mon Dieu, de m'avoir créé de la bonté, dit Adam quand il ouvrit la bouche. Je te prie de me dire la signification de ce message. Y a-t-il eu d'autres hommes avant moi? Tu es bienvenu, mon servant Adam. Je te dis que tu es le premier homme que j'ai créé, dit Dieu. Celui que tu as vu est ton fils et mon envoyé, qui sera pour le monde à venir, qui donnera lumière au monde à sa venue dans de nombreuses années. Son âme fut placée dans la splendeur célestielle 60 000 ans avant que je crée toute chose et pour qui j'ai créé toute chose. Seigneur Dieu, pria Adam, accorde-moi cet écrit aux ongles des doigts de mes mains. Dieu donna cet écrit sur les pouces du premier homme, sur l'ongle du pouce de la main droite. Dieu seul digne de louange. Sur l'ongle du pouce de la gauche. Envoyé de Dieu. Le premier homme embrassa ces mots avec affection paternelle et frotta ses yeux en disant « Béni est le jour que tu viendras dans le monde. » Il est bien qu'il ne reste pas seul, dit Dieu voyant l'homme dans la solitude. Il le fit dormir et prit une côte près de son cœur et combla avec la chair l'endroit de la côte. Il fit Ève et la donna pour compagnie à Adam. Il plaça la paire comme seigneur au paradis en leur disant « Voici que je vous donne tous les fruits à manger, sauf les grains de pomme. Prenez garde en aucun cas de manger ces fruits, car vous deviendrez impurs, et je ne supporterai pas que vous restiez là, mais vous serez emmenés là où vous subirez de grandes misères. » Quand Satan apprit cela, il devint fou d'indignation. Il approcha la porte du paradis où se tenait en garde un effroyable serpent, qui avait des pattes comme un chameau et les ongles de pied tranchants de chaque côté comme un rasoir. Le rival dit « Laisse-moi que j'entre dans le paradis. Comment te laisserai-je entrer si Dieu m'a ordonné de te faire sortir ?» dit le serpent. Vois comment Dieu t'aime en te plaçant hors du paradis pour faire la garde sur ce tas de bouquets l'homme, dit Satan. Si tu me portes dans le paradis, je te ferai si terrifiant que tous s'enfuiront de toi, alors tu iras et resteras selon ton plaisir. Comment te mettrai-je dedans? Dit le serpent. Tu es grand. Ouvre ta bouche. « J'entrerai dans ton ventre, » dit Satan. Entrez dans le paradis, tu me placeras près de ces deux tas de boue qui marchent depuis peu sur la terre. » Le serpent fit ainsi. Il plaça Satan près de Ève, tandis que son compagnon Adam dormait. Satan se présenta devant la femme comme un bel ange et lui dit « Pourquoi ne mangez-vous pas ces grains de pommes ? Notre Dieu nous a dit que nous deviendrions impurs en mangeant cela et il nous sortirait du paradis, dit Ève. Il ne dit pas vrai. Tu dois savoir qu'il est envieux et mauvais, dit Satan, il ne tolère pas d'égo et garde tout le monde en esclavage. Il vous a dit cela pour que vous ne deveniez pas égal à lui. Mais si toi et ton compagnon agissez suivant mon conseil, vous mangerez de ces fruits ainsi que les autres, et vous ne serez pas soumis aux autres, Vous connaîtrez le bien et le mal, comme lui et vous ferez ce qui vous plaît car vous serez égal à lui. » Ève prit cela et mangea. Quand son compagnon se réveilla, elle raconta tout ce que Satan avait dit. Il prit ce que sa compagne lui offrit et mangea. Et comme la nourriture descendait, il se souvint des paroles de Dieu et voulut arrêter la nourriture. Il mit sa main dans sa gorge, là où chaque homme a la marque. Tous deux reconnurent qu'ils furent dénudés et eurent honte. Ils prirent des feuilles de figuier pour revêtir leur partie privée. À la mi-journée, voici que Dieu leur apparut et appela Adam. « Adam, où es-tu ? Je me cache de ta présence, Seigneur. Car moi et ma compagne sommes dénudés, et honteux de nous présenter devant toi, répondit-il. Qui vous a volé votre innocence ? Dit Dieu. À moins d'avoir mangé le fruit à cause duquel vous êtes impurs, et ne pourrez rester plus longtemps au paradis. Seigneur, répondit Adam, celle que tu m'as donnée pour compagne m'a supplié d'en manger. Aussi j'en ai mangé. Pourquoi en as-tu donné à ton compagnon ? Dit Dieu à la femme. J'en ai mangé parce que Satan m'a truqué, répondit Ève. Comment se réprouver est-il entré ici ? Dit Dieu. Un serpent qui se tient à la porte nord l'a emmené près de moi, dit Ève. Parce que tu as écouté la voix de ta compagne, dit Dieu à Adam, et mangé le fruit. Que la terre soit maudite dans tes travaux et te produiseront ses épines. Ainsi, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage et te souviendras que tu es terre, et terre tu retourneras. Et toi qui as écouté Satan en donnant à manger à ton compagnon, dit Dieu à Ève. Tu seras sous l'autorité de l'homme qui te gardera comme servante et tu donneras naissance avec douleur. Ayant appelé le serpent, Dieu appela l'ange Michaël qui tient l'épée de Dieu et dit. Fais sortir du paradis ce mauvais serpent en premier et au dehors coupe ses jambes. Que sa vie se traîne à terre s'il veut marcher. Dieu appela Satan qui vint en riant. Dieu dit. Parce que toi, réprouvé, as truqué ceux-là pour qu'ils deviennent impurs, je veux que toutes leurs impuretés, et celles de leurs fils qui feront vraiment pénitence pour me servir, quand elles sortiront de leur corps, qu'elles entrent par ta bouche. Tu seras ainsi rassasié d'impureté. Puisque tu veux me faire encore pire, je ferai ce que je serai encore capable, dit Satan après avoir rugi horriblement. Sors maudit de ma présence, dit Dieu. Et Satan sortit. Dieu dit à Adam et Ève, qui pleuraient tous les deux. Sortez faire pénitence hors du paradis. Ne laissez pas faillir votre espérance, car j'enverrai votre fils de telle façon que votre semence retirera la domination de Satan sur la race humaine. À mon envoyé qui viendra, le Saint-Esprit, à lui je donnerai toutes choses. Dieu se cacha. L'ange Michaël est sorti hors du paradis. Adam se retourna et vit l'écrit au-dessus de la porte. Dieu seul digne de louange, et envoyé de Dieu. Dieu veuille que tu viennes vite nous retirer de la misère, mon fils, dit-il en pleurant. C'est ainsi que Satan et Adam ont péché par arrogance. L'un par mépris pour l'homme. L'autre par volonté de se faire égal à Dieu. Jésus pleura. Les disciples pleurèrent aussi de cette histoire. Parole de Jean le baptiseur, aussi dans Matthieu 3.11. Tel est le récit de Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent des sacrificateurs et des Lévites de Jérusalem pour lui demander « Qui es-tu ?» Et il a avoué et nié que non. Mais a avoué « Je ne suis pas le Messie. » Et ils lui dirent « Alors es-tu Élia ?» Et il a dit « Je ne le suis pas. Es-tu ce prophète ? Qui es-tu que nous puissions répondre à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » Ceux encore qu'ils ont envoyés étaient des pharisiens qui lui ont demandé « Pourquoi baptises-tu alors si tu n'es pas ce Messie, ni Élia, ni ce prophète ?» Jean leur répondit « Je baptise par l'eau, mais vous trouverez un parmi vous, lui que vous ne connaissez pas, qui baptisera par le feu. Il viendra après moi mais il est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier le soulier. » Ces choses ont été dites à Bethabara au-delà de la Jordanie où Jean baptisait. Ils virent venir un grand nombre de personnes après que le chef Kohanim prit conseil entre eux pour l'attraper dans ses dires. Et il avait envoyé quelques lévites et des scribes pour le questionner. « Es-tu Élia, Jérémia, ou un des anciens prophètes ?»« Non, répondit Jésus. Qui es-tu ? Dis-le-nous pour témoigner à ceux qui nous envoient. Et si tu n'es pas Élia ou l'un des prophètes, pourquoi prêches-tu un autre enseignement et te fais-tu passer pour plus grand que le Messie ? Les miracles que Dieu fait par mes mains témoignent que je dis ce que veut Dieu. » Les scribes et les lévites s'en allèrent confus. Quand ils rapportèrent tout, les chefs Kohanim dirent qu'il avait le démon dans son dos qui rapportait tout. Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité, les chefs des anciens de notre peuple cherchent une occasion contre moi. Ne va plus à Jérusalem, dit Céphas. Es-tu insensé pour ignorer ce que tu dis ? Il est nécessaire que j'endure beaucoup de persécutions, comme tous les prophètes et les saints de Dieu ont enduré. N'aie crainte, il y en a pour nous, il y en a contre nous. » Jésus partit pour se rendre au mont Tabor. Céphas, Jacob, Jean son frère, et celui qui écrit ceci montèrent avec lui. Là une grande lumière brilla au-dessus de lui, ses habits devinrent blancs comme la neige et son visage irradia comme le soleil. Voici que Moshe et Élia parlèrent avec Jésus de tout ce qui arriverait à notre race et à la ville sainte. « On est bien ici Seigneur, » dit Céphas. « Si tu veux nous ferons trois tentes, une pour toi, une pour Moshe, l'autre pour Élia. » Tandis qu'il parlait, il fut recouvert d'une nuée blanche et entendirent une voix qui dit « Voici mon servant en qui je me complais. Écoutez-le. » Les disciples tombèrent face contre terre de frayeur, comme morts. Jésus descendit et releva ses disciples. « N'ayez crainte. Dieu vous aime et a fait cela pour que vous croyiez en mes paroles. » Jésus redescendit vers les huit disciples qui l'attendaient en bas. Les quatre rapportèrent aux huit tout ce qu'ils avaient vu. Dès ce jour, tout doute sur Jésus sortit de leur cœur, sauf Judas Iscariote qui ne croyait pas. Jésus s'assit au pied du mont et ils mangèrent des fruits sauvages, car ils n'avaient pas de pain. « Tu nous as dit plusieurs choses du Messie, » dit André. Par bonté, dis-nous tout clairement. » Les autres disciples supplièrent de la même manière, aussi Jésus dit, « Celui qui travaille, travaille dans le but de trouver satisfaction. En vérité je vous dis, Dieu est parfait et n'a pas besoin de satisfaction, vu qu'il a satisfaction en lui-même. Ainsi, en voulant travailler, il créa son envoyé, le Saint-Esprit, avant toute chose pour qui il détermina de tout créer, pour que les créatures trouvent bénédiction et joie en Dieu, pour que son envoyé prenne plaisir en toutes ces créatures qu'il a assignées d'être ses esclaves. Pourquoi serait-ce ainsi sinon qu'il l'a voulu ainsi? Je vous dis en vérité, chaque prophète qui est venu n'a apporté qu'à une seule nation le témoignage de la compassion de Dieu. Ainsi leurs paroles ne s'étendirent qu'au peuple à qui ils avaient été envoyés. À la venue de l'envoyé de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu lui donnera de sa main le sceau vivant pour porter le salut et la compassion à toutes les nations du monde qui recevront son enseignement. Il viendra avec puissance sur les impies pour détruire l'idolâtrie et confondre Satan, comme Dieu a promis à Abraham en disant « Voici Abraham, comme tu as brisé les idoles, à ta postérité qui fera ainsi, je bénirai toutes les tribus de la terre par ta postérité. » Maître, dit Jacob, dis-nous par qui cette promesse se fait? Car les Juifs disent par Isaac et les Ismaélites par Ishmaël. Dis-nous la vérité, car nous savons que tu es envoyé par Dieu. De qui David est-il le fils, et de quelle lignée? D'Isaac, dit Jacob. Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas, de la lignée de David. De quelle lignée sera l'envoyé de Dieu à sa venue? De David, répondirent les disciples. Pourtant ne fautez pas envers l'Esprit que Dieu appelle Seigneur. Dieu dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu enverra ta verge qui dominera au sein de tes ennemis. Si l'envoyé de Dieu que vous appelez Messie est le fils de David, pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur? L'envoyé de Dieu est la splendeur qui donne joie auprès de tout ce que Dieu a fait, car il est doté de l'esprit de compréhension et de conseil, de l'esprit de sagesse et de force, de l'esprit de crainte et d'amour, de l'esprit de prudence et de tempérance. Il est doté de l'esprit de charité et de compassion, de l'esprit de justice et de piété, de l'esprit de douceur et de patience, qu'il a reçu trois fois plus que Dieu a donné à toutes ses créatures. Parole de Jean le Baptiseur, aussi dans Matthieu 3.11 et l'Évangile de l'Enfance page 257. Le temps de sa venue dans le monde est béni. Croyez-moi que je l'ai vu et je lui ai donné révérence, comme chaque prophète qui l'a vu, puisque Dieu leur a accordé la prophétie par son esprit. Et quand je l'ai vu, mon âme fut remplie de consolation. Dieu digne de louange est avec toi. Qu'il fasse que je sois digne de délacer tes souliers. L'ange Gabriel alla vers Jésus et lui parla de sorte que nous entendions aussi sa voix. Lève-toi et va à Jérusalem. Et Jésus partit. Il alla à Jérusalem le jour de Shabbat et se mit à enseigner aux gens. Le peuple avec le grand Cohen accoururent ensemble au temple, et les Cohanim s'approchèrent de Jésus. Maître, il nous a été rapporté que tu parles mal de nous, prends garde qu'un malheur t'arrive. Je vous dis en vérité, je parle mal des hypocrites, je parle contre vous si vous êtes hypocrites. Dis-nous ouvertement qui est hypocrite? Répondirent-ils. Je vous dis en vérité, celui qui fait une bonne chose pour que les hommes le voient est un hypocrite. Son action ne pénètre pas son cœur, que les hommes ne peuvent pas voir, laissant en dedans toute pensée impure et toute mauvaise convoitise. Savez-vous qui est hypocrite? Celui qui sert Dieu avec sa langue, tandis qu'il sert les hommes avec son cœur, et en mourant ce misérable perd toute récompense. À ce sujet le prophète David dit « Ne mettez pas votre confiance dans les princes ni dans les fils de l'homme en qui n'est aucun salut, car le pensée périsse à leur mort. » Ils sont privés de récompense, avant la mort comme Job le prophète de Dieu dit. L'homme est si instable qu'il ne reste jamais à la même place, s'il te félicite aujourd'hui, le lendemain il te maltraite. S'il te récompense aujourd'hui, le lendemain il se fera une joie de te dépouiller. Malheur aux hypocrites, qui se récompensent de vanité. Comme Dieu vit, en présence duquel je me tiens, l'hypocrite est un voleur qui profane la loi lorsqu'il s'en sert pour paraître bien. Il vole l'honneur et la gloire qui ne reviennent qu'à Dieu seul. De plus je vous dis, l'hypocrite n'a aucune foi, car s'il croyait que Dieu qui voit tout sanctionne ce mal d'un terrible jugement, il purifierait son cœur. Mais parce qu'il n'a aucune foi, il se remplit d'erreurs qu'il garde dans son cœur. Je vous dis en vérité, l'hypocrite ressemble à une tombe, blanche dehors mais pleine de pourriture et de ver dedans. Mais vous, Kohanim, si vous servez Dieu parce que votre Dieu qui vous a créé vous le demande, je ne parle pas contre vous si vous servez Dieu, mais seulement si vous faites tout par gain, achetez et vendez dans le temple comme dans une place de marché, sans égard au temple de Dieu, une maison de prière, et non pour marchander et vous en faire une caverne de voleurs. En vérité je vous dis, Satan et ses suivants, hypocrites et faiseurs de mal, cherchent continuellement à annuler les lois de Dieu, d'abord par de fausses doctrines, puis par une vie d'obscénité. Ils ont presque tout contaminé au point que la vérité se trouve à peine. Malheur aux hypocrites. Les flatteries envers eux dans ce monde se changeront en tourments et en insultes dans le Shéol. Si vous mettez Dieu hors de votre pensée et tout faire pour plaire aux hommes, alors contre vous je dis tout haut que vous êtes les fils du démon, nom d'Abraham qui a quitté la maison de son père et voulait sacrifier son propre fils par amour pour Dieu. Malheur à vous si vous êtes ainsi, Kohanim et docteur, car Dieu vous enlèvera le sacerdoce. Jésus dit encore, je vais mettre un autre exemple devant vous. Un propriétaire qui avait planté une vigne fit une haie pour que les bêtes ne la piétinent pas, et construit à son centre un pressoir à vin, puis il la confia à des vignerons. Le temps venu pour percevoir le vin, il envoya ses serviteurs, mais lorsque les vignerons les virent, ils en lapidèrent certains, en brûlèrent plusieurs, et en déchirèrent d'autres au couteau, et ils firent cela de nombreuses fois. Dites-moi ce que doit faire le seigneur de la vigne à ses vignerons? Qu'il les tue avec la même méchanceté et donne sa vigne à d'autres vignerons, dirent les gens. Ne savez-vous pas que la vigne est la maison d'Israël, et les vignerons, le peuple de Juda et de Jérusalem? Malheur à vous, parce que Dieu est en colère contre vous pour avoir déchiré tant de prophètes de Dieu, au point qu'au temps d'Achab il ne se trouvait personne pour enterrer les saints de Dieu. Quand il finit de parler, les chefs Kohanim voulurent l'attraper mais ils eurent peur des gens du peuple qui l'honoraient. Jésus aperçut une femme ayant la tête penchée vers le bas depuis sa naissance, et il dit, « Dans le nom de notre Dieu, femme lève la tête que cela sache que la vérité parle et qu'il veut que je la dise. » La femme se redressa entièrement et se mit à glorifier Dieu. Le grand Cohen cria, « Ce n'est pas un envoyé de Dieu vu qu'il ne garde pas le Shabbat, il a guéri une infirme aujourd'hui. Dis-moi, est-il interdit maintenant de parler le jour du Shabbat et prier pour le salut des autres ? Qui parmi vous à Shabbat ne retire-t-il pas son âne ou son bœuf s'il tombe dans la fosse à Shabbat ? Sûrement personne. Aurais-je rompu le jour de Shabbat en ayant donné la santé à une fille d'Israël ? Ici ton hypocrisie se reconnaît sûrement. Comme ils sont nombreux ici aujourd'hui à craindre le tranchant d'une paille de l'œil de l'autre alors qu'une poutre est préparée pour trancher leur propre tête. comme ils sont nombreux à craindre la fourmi sans se soucier de l'éléphant. Ayant dit cela, il sortit du temple. Les Kohanim rongeaient de rage entre eux, étant dans l'incapacité de le prendre pour faire avec lui suivant leur volonté, comme leur père faisait contre les saints de Dieu.